ni je viens d'ailleurs. Quand je rappe, she's on fire. Si je reviens dans le secteur, c'est comme Omar dans The Wire. Je tombe la deuxième, je me sauve volant. Je roule un gros Banks, je rase le collant. Une heure du mat, je crois que c'est l'heure de se mettre à battre. Tu veux de la street, viens, on te gâte. Se battre, hein, qu'elle me mate, crois qu'elle m'épate avec ses squats. Quoi, ce soir, je vais pas me coucher. J'gamberge à où je vais bouger. Y'a plus personne, y'a plus personne dont je m'ennuie. Y'a plus que moi, les civils et les ennuis. Je délias de 2001, mon RRS 1000 au poignet. La Richard 1000, casquette, lunettes, face en ville. Elle veut la bague. C'est compliqué, chérie, mon snap est bas. Et quand je croise mes anciens schlags, je leur dis que j'ai plus de match, donc ils sont deck. Je fais de la zig, je suis plus un tag. Tu me fais des actions de crasse, ton numéro j'efface. Ta gadi me cherche, veut que la casse. Si qu'elle reste à sa place, les poumons accidentés. Alpha Kir, ça nique la santé. Ce soir, je vais pas me coucher. J'gamberge à où je vais bouger. Y'a plus personne, y'a plus personne dont je m'ennuie. Y'a plus que moi, les civils et les ennuis. Ce soir je vais pas me coucher. J'gamberge à où je vais bouger. Y'a plus personne, y'a plus personne dont je m'ennuie. Y'a plus que moi, les civils et les ennuis. Pas de love, célibataire, pas de love. Pas de love.